fierté ni manque d'action sont trépidants. Ici les murs des lamentations sont trépidants. C'est l'air comblé qu'on a sublime. Des galères c'est l'air tombé qu'on a subi. Ni dureté ni manque d'action sont trépidants. Ici les murs des lamentations sont trépidants. Grosse phase et le mordant fit des signaux c'est lent. Trop de phases déportant qui dessine l'océan. On navigue sans ramer, on s'y noie dans les houles. Je repense à la mif qui me sort aimé dans 6 mois t'en es où. Je paierai plus zen et le seum effrayé à ton. Je sais pas que j'ai mes lances. Si la plume saine c'est que seul l'effet d'un bon vieux c'est pas j'ai mes l'encre. D'être sous peu les projets pleuvent c'est à l'heure n'est que nous ricanons. Reste sous peu des projecteurs se mettre à l'ornier nourri qu'à l'ombre. Trop piracide, trop piracide, nous montre trottine. Trop piracide, on piracide, très haut fait si nous montre-t-il. Mais la com' je les répliquerai ni le compte aux riches. On met la com, fait pas le tyran, des comptes corrige, démystifie la patte chemin, il voit que ce que les carences s'exalent, j'ai mis qui vit la patte génie qui voit que les cartes dans ses actes. Extrême et le môme, ça parle à mille d'après Tesla. J'extrais les mots, la paramine, appris Kesla. Fonce car cogiter mes puces, qui tient les rênes, dessine l'abîme. Chantons que les faux, j'y t'ai méprise, qui t'a les raids vers ce qui me lapide. Tout ça pultra, j'enfile une armure en peste, car le pouce sur le dessous bas du sable, tranquille vu que la rue en tête parche. Puis j'encaisse lâche, j'rentais de passe, il regaine trash. Piquant cette traque, fiston 16 bar, mille tempêtes frappe. Beaucoup l'admettent, c'est de la fumette, t'as pas d'icône, on sentira toujours la merde, même parfumée d'aquaticcio. Vite ça tire, j'aiguise la mine en sous-marin d'attaque. Évite la team, t'es cristatique, tout va bien, t'as le tac. Pas de sobriquet quand je suis mystique comme Kodak Black. Chapeau piqué, j'atomiserai que le quota de passe. Efface ce rêve, l'impasse mort qui même sa porte. Je t'épargne le reste que la poisse colle que les médias snob. C'est plus tard qu'on s'efface quand la passe mettra sous le tapis. Dommage les plus crates font des wads, y'aura pas de mea culpa triste. On a qu'une voix, faut filer droit, je demande la force ou son équivalent. Une proie parmi les proies, mais je garde la forme et mon esprit vaillant. J'arrive et par hélas, d'ici tout me paraît fade et lâche. Aride et froid, je navigue au large avec une balle logée dans le carénage. J'ai passé le quart de siècle à vivre à l'arrache. Sous les graves, je demande de l'aide pour joindre la perche à la nage. J'ai vu des tasses, des sortes de filles, des filles, des filles, des cambrées. Des imbéciles avec du cash et pour des filles, des flambées. Les pieds dans le vice, y'a pas d'issue, d'espoir dans le sac, c'est l'ophané. Des suicides, c'est quoi, je vois dans le viseur chaque salaud cané. Pas la peine de gueuler freine, pris d'une flemme et que je traîne. Et ce l'est même, c'est que mon enfer et ça les gêne. Faire à vif et ça m'effraie, désormais qui ose par l'épée. Qui prendra l'échec et demain quel en sera l'effet. Qui tiendra l'appel, qui posera l'épée. Qui lèvera ma peine, moi dis-moi qui pincera mes plaies. C'est l'air comblé qu'on a sublime. Des galères c'est l'air tombé qu'on a subi. Ni dureté ni manque d'action sont trépidants. Ici les murs des lamentations sont trépidants. C'est l'air comblé qu'on a sublime. Des galères c'est l'air tombé qu'on a subi. Ni dureté ni manque d'action sont trépidants. Ici les murs des lamentations sont trépidants. C'est l'air comblé qu'on a sublime. Des galères c'est l'air tombé qu'on a subi. Ni dureté ni manque d'action sont trépidants. Ici les murs des lamentations sont trépidants. C'est l'air comblé qu'on a sublime. Des galères c'est l'air tombé qu'on a subi. Ni dureté ni manque d'action sont trépidants. Ici les murs des lamentations sont trépidants.